السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mes frères et mes sœurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve une semaine après avoir commencé la traduction de cette conférence donnée par le noble Cheikh Al-Allama, Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafizahullah Ta'ala, concernant l'amour en Allah Subhanahu Wa Ta'ala et le cramponnement au Hable d'Allah Azza wa Jal. Et on avait traduit la semaine dernière la première partie de la conférence relative à au premier fondement expliqué par Shir, qui était le fait de se cramponner au Hable d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et on avait expliqué c'était quoi le Hable, hein? Et comme l'a expliqué Al-Baghawi dans son tafsir, Al-Habs, c'est tout ce qui revient, hein, ou tout ce qui ramène à Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et certains ont dit le Coran, certains ont dit Ad-Din, la religion, certains ont dit le Coran wa Sunnah, certains ont dit Al-Jama'a, le groupe, etc. Et donc on commence aujourd'hui, bi-idhnillah, ou plutôt on va terminer aujourd'hui la deuxième partie de la conférence, dans laquelle le Shir va mentionner, hein, l'amour en Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وأعرج الآن على الأمر الثاني وهو التحاب في الله والتآخي فيه، وهذا أمر مهم جدا جدا لا تصلح دنيانا ولا أخرانا إلا به بعد اعتصامنا بحبل الله. Donc le Cheikh Rabi حفظه الله تعالى mentionne qu'il va parler maintenant du deuxième sujet, qui est l'amour mutuel et l'harmonie en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une affaire très très importante, nous dit le Shir, et notre dunya et notre akhira ne peut être correcte excepté avec ce sujet, après notre cramponnement au hable d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فهذه صفات محمد صلى الله عليه وسلم فاستغلظ فاستوى وصح وأفن فهذه صفات محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تود وتراحم والمحبة وتماسك وتعاون كما مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الزرع يخرج ثم تكثر فروعه حتى يشتد ويقوى ويتماسك بعضهم مع بعض الله أكبر. Donc le Cheikh Rabi حفظه الله تعالى mentionne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons en disant au sens approché dans sourate al-Fath, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, puis s'apaisit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Et donc, le Shir nous dit que ceci sont les caractéristiques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. L'affection, la bonté, l'amour, l'union et l'entraide, telle est leur description dans la Torah et l'Évangile. Telle une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'apaisit et ensuite se dresse fermement sur sa tige. Et la culture sort, puis ses branches se multiplient jusqu'à qu'elles se renforcent et deviennent solides. Elles se tiennent tous ensemble. Allahu Akbar. فهذا يجب أن نأخذ منه درسا واعيا كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتراحمون فيما بينهم وكيف كانوا أشد على أعدائهم الآن في الساحة وفي الصحف وبعض الإعلاميين وبعض المتفقين ينادون بالحلية وتآخي وحوار الأديان وأخوة الأديان وإلى آخر هذه التفاهات التي تدل على الغثائية في هذه الأمة. Et donc le Shir nous dit, il est obligatoire qu'on retire un enseignement de cela. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont traités avec bonté? Et comment ils étaient sévères avec leurs ennemis. Aujourd'hui, dans la société, dans les journaux et dans certains médias et chez certains penseurs, ils appellent à la liberté, à la fraternité et au dialogue avec les autres religions, ainsi qu'à la fraternité dans les religions et autres parmi ces absurdités qui indiquent les choses méprisables dans cette communauté. Alam tarau hada shaqa wa hada damar الذي تعيشه الإنسانية في هذا العصر من أسبابه عدم اعتصام المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم فترتب على ذلك تفرقهم وانحطاطهم وجمودهم وتوقف المد الإسلامي بل انحساره وانحساره وترتب على ذلك علو أعداء الإسلام وظهورهم على المسلمين وتكالبهم عليهم إلى أن وصلوا إلى السخرية بالإسلام ووصفوا بالقصوى والوحشية. Et nous dit le Shir, ne voyez-vous pas ce malheur et cette dévastation dans laquelle vit l'être humain à notre époque? Et ceci dû au délaissement, du cramponnement des musulmans au livre de leur Seigneur et à la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a donc engendré leur division, leur décadence, leur inertie, l'arrêt de l'extension islamique et leur régression. Et ceci a également engendré la supériorité des ennemis de l'islam, leur éclosion sur les musulmans et le fait qu'ils se sont rués sur eux jusqu'à qu'ils soient arrivés à se moquer de l'islam. Et ils ont décrit l'islam comme étant barbare et sauvage. وَلِعَذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْإِخْوَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أَنْ يَعُودُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن يتلاحموا وأن يتلاحموا وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا والله لا يتم أبدا إلا إذا تغلوا عن هذه الأهواء التي عاشوا عليها أجيالا. Et donc il nous dit le Shir, il incombe aux musulmans dans leur totalité de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils s'unissent, qu'ils se traitent avec bonté et qu'ils forment un seul corps Si un membre souffre, alors l'ensemble du corps souffre. Et qu'il soit comme la construction, ils se soutiennent les uns avec les autres. Et ceci par Allah. Ceci n'arrivera que s'ils se débarrassent de ces passions dans lesquelles ils vivent. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ كُلُّ خَيْرٍ لَهُمْ بِمَا فِي ذَلِكَ. هذه الأخوة وهذه المحبة التي حث عليها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. Et cramponnez-vous donc au hable d'Allah, et cela permettra la concrétisation de toute forme de bien, telle que cette fraternité et cet amour à laquelle encourage Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: celui qui possède ces trois caractéristiques goûtera à la douceur de la foi. Aimez Allah et son prophète plus que tout. Aimez les gens et ne les aimez que pour Allah. Et détestez retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu de l'enfer, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. وَهَذِي الْبِدَعُ وَاللَّهِ مَنْشُهَا الْهَوَى الْمُرَدِّي فَالْمُؤْمِنَ الصَّادِقُ وَاللَّهِ يَكْرَهُهَا وَيَبْغَدُهَا. هَذِي الثَّلَاثِ يجب أن يهتم بها المسلمون حتى يجدوا حلاوة الإيمان. من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. Et ces innovations présentes aujourd'hui par Allah, leur origine sont les passions destructrices, nous dit le Shir. Ainsi le croyant véridique, par Allah, il déteste les innovations, il les hait. Et ces trois caractéristiques, il est obligatoire pour le musulman, afin qu'il trouve la douceur de la foi, de les concrétiser. Aimer Allah et son prophète plus que tout, jusqu'à la fin du hadith. فَإِنْ وُجِدَتْ هَذِي الرُّحْ فِي الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ رَسُولِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ الْمُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، لَا يُحِبُّ شَيْئًا أكثر من محبة الله ومحبته لله ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الآباء والأبناء والإخوان والعشائر وغيرهم تجده يضع محبة أولاه وراء عندما يدعو الداعي لنصرة الله تبارك وتعالى ونصرة دينه، يقدمها على هذه الأشياء جميعا، بل في كل الحالات حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون المرء مؤمنا حق الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. Et nous dit le Cheikh, حفظه الله تعالى, si ces choses essentielles sont présentes chez l'individu et dans la société, l'amour envers Allah et l'amour envers son messager prévaut sur toute chose. Ceci ne peut arriver de la part des gens des passions. Et ceci peut arriver uniquement de la part des croyants véridiques, ceux qui se cramponnent au hable d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam soient les plus aimés que n'importe qui. Il n'aime rien plus que son amour envers Allah et son amour envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Même si ce sont leur père ou leur fils ou leur frère ou leurs proches et autres, tu verras qu'ils laissent l'amour de cela derrière. Et lorsque le prédicateur appelle hein, à secourir la cause d'Allah Azza wa Jal et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il favorise cela sur tout le reste. Et la personne ne sera croyante d'une véritable foi seulement si Allah et son messager sont plus aimés auprès de lui que n'importe qui. هذه الأشياء كلها إذا تعارض منها شيء مع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الصادق يقدم محبة الله وما يحبه الله على ما يحبه أبوه أو أمه أو زوجه أو ابنه أو إخوه أو أخوه أو عشيرته لو وفقوا كلهم صفا واحد لو وقفوا كلهم صفا واحدا لهم مطلوب يتعرض مع حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وما يحبه الله ورسوله. Toutes ces choses, si elles s'opposent, hein, avec l'amour envers Allah et son messager, tu vois le croyant véridique, il favorise l'amour envers Allah et ce que Allah aime par rapport à ce que son père ou sa mère ou sa femme ou son fils ou son frère ou ses proches aiment. Même si tout cela s'unisse afin d'appeler à ce qui s'oppose à l'amour envers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne favorise rien de ces choses sur l'amour envers Allah et ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment. Wa an yuhibb al mar'u لا يحبه إلا لله هذه تجرد في هذه المحبة والإخلاص والصدق لا يحب هذا المرء إلا لله تقربا إلى الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص وفي هذه المحبة. Et que l'individu n'aime que d'un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci doit être pleinement présent dans l'amour, dans le culte exclusivement pour Allah et dans la véracité. Il ne doit aimer comme Allah afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par obéissance à l'ordre d'Allah et à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le culte exclusif et cet amour, وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ الْإِلْقَاءِ فِي النَّارِ وَبَيْنَ الْعَوْدَ فِي الْكُفْرِ لَآثَرَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ وَاللَّهِ إِنَّ الْبِدَعَ الْكُبْرَى إِنَّهَا لَمُشْتَقَّةٌ مِنْ هَذَا الْكُفْرِ بِاللَّهِ كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالبدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه والعياذ بالله. Et il doit détester de retourner à la mécréance comme il déteste être jeté dans le feu. Et si on l'obligeait à choisir entre être jeté dans le feu et entre le fait de retourner à la mécréance, alors il aurait préféré être jeté dans le feu. Wallah, nous dit le shir, les grandes innovations dérivent de cette mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a mentionné shir ou l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc les innovations dérivent de la mécréance et reviennent à lui, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعلينا أن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الصالحين والمؤمنين الصادقين في السابق واللاحق والمعاصرين والموجودين نحب المؤمنين الصادقين لله تبارك وتعالى لا لأجل الدنيا ولا لأجل عشيرة ولا من أجل نسب وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى وأن نكره الكفر ونبغضه أشد البغض وأن نبغض البدع أشد البغض بارك الله فيكم Et le shir nous dit, on se doit ainsi d'aimer Allah. Écoutez ces paroles en or de notre shir bien-aimé, shir Rabbi, hafidhahullahu ta'ala, qui n'a cessé durant toute sa vie d'appeler à la fraternité et à l'amour en Allah. Hein, combien de rappels, combien de conseils, combien d'orientations avons-nous reçues de shir Rabbi, où il appelait à la fraternité entre les salafis? Hein, à l'amour entre les salafis. Écoutez sa parole. Il nous dit, on se doit ainsi d'aimer Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer son livre, d'aimer la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer ses nobles compagnons, d'aimer les pieux prédécesseurs, d'aimer les croyants véridiques parmi les premières et les dernières générations, parmi les contemporains présents aujourd'hui. Nous aimons les croyants véridiques en Allah, et non pas pour cette dunya. Notre amour n'est pas pour cette dunya, et non pas pour le clan, ou pas pour la lignée, mais plutôt notre amour est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit également de détester la mécréance, la haïr de la plus grande haine possible, et on doit haïr les innovations de la plus grande haine possible. لِهَذَا إِذَا وُجِدَتْ هَذِي الْأُمُورَ الثَّلَاثِ وجد المؤمن حلاوة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم وبدونها لا يجده وكم هم الأشقياء المحرومون الذين لا تتوفر فيهم هذه الصفات الثلاث مع الأسف الشديد قد يحب الآباء والعشيرة ويقدمها على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قد يحب شخصا لكن من أجل الدنيا لا من أجل الله سبحانه وتعالى قد لا يكره الكفر والبدع مع الأسف الشديد فيكون قلبه ميتا ما عنده إحساس لا يجد حلاوة الإيمان الله أكبر الله أكبر شيخنا شيخ ربيع حفظه الله تعالى dit c'est ainsi si ces trois choses sont présentes le croyant trouvera la douceur de la foi comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans elle sans ces trois choses il ne la trouvera pas et combien sont les misérables ceux qui ont été privés et qui n'ont pas ces trois caractéristiques. Ils aiment les pères et les proches et ils les favorisent sur l'amour envers Allah et envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment une personne pour cette dunya et non pour Allah azza wa jal. Et il est possible qu'il ne déteste pas la mécréance et les innovations. Son cœur est donc mort. Et il n'a pas la sensation et la douceur de la foi. فَعَلَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ هَذِي ثَلَاثَ الْغِصَالِ نَسْبَ عَيْنَانَ نَسْبَ أَعْيَنِنَا وَالنُّصُوصُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربي ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Il nous est donc obligatoire de toujours avoir ces trois caractéristiques dans l'esprit, c'est-à-dire aimer Allah et le messager plus que tout, aimer les gens en Allah subhanahu wa ta'ala et détester de retourner dans le kufr et dans la mécréance. Et les textes à ce sujet sont nombreux. Parmi ceux-ci, le hadith très connu. 7 personnes seront protégées sous l'ombre d'Allah. Le jour, il n'y aura d'ombre que la sienne. Un chef équitable. Un homme jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, se réunissant pour lui et se séparant pour lui. Et ça, c'est le shahid du hadith. Un homme qu'une femme noble et belle appela à la fornication et qui a répondu « Je crains Allah ». Un homme qui a fait une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce qu'a dépensé sa main droite. Et enfin un homme qui a évoqué Allah dans la solitude et dont les yeux débordèrent de larmes, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. هذه الخصال يجب أن يحرص عليها المسلم وأن يتحلى بها ومنها المؤاخاة والتحاب في الله تبارك وتعالى فإن من ثمار هذه الخصال ومنها التحاب في الله أن يذل الله أصحابها يوم القيامة في تلك الأهوال والشدائد يذلهم الله في ذل عرشه يوم لا ذل إلا ذله. Le musulman donc se doit de faire tous les efforts dans ses caractéristiques et qu'il se distingue par celles-ci. Et parmi celles-ci, la fraternité et l'harmonie en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les récompenses de ces caractéristiques, dont l'amour en Allah, c'est le fait qu'Allah les couvrira d'ombre le jour de la résurrection. Durant cette situation terrible et affreuse, Allah les couvrira avec l'ombre de son trône. En ce jour, il n'y aura pas d'ombre, excepté la sienne, subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah fi al-hadith al-qudsi, Aina al-mutahabbuna bi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli, يوم لا ذل إلا ذلي رواه مسلم وهذا أمر عظيم يجب أن يهتم به الشباب المسلم وأن يدركوا مكانة الحب في الله عز وجل وأن له عند الله هذه المنزلة العظيمة وأن الله ينادي المتحابين في الله من بين الناس أين هؤلاء المتحابون في بجلالي يعني يعظمون الله تعظيم الله وإجلاله وإكباره وتقديسه يدفع هذه القلوب الطيبة أن نير الخير إلى تحاب في ذات الله تبارك وتعالى فيكافيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن ينادي على رؤوس الأشهاد أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي الله أكبر الله سبحانه وتعالى mentionne dans un hadith qudsi où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté. Aujourd'hui, je les couvre dans mon ombre. Ce jour, il n'y a pas d'ombre que la mienne, comme l'a rapporté l'imam muslim. Ceci est une affaire extraordinaire, nous dit le shir. Il est obligatoire que la jeunesse musulmane y prête attention et qu'ils comprennent la place de l'amour en Allah et que l'amour en Allah a une place extraordinaire auprès d'Allah. Allah appellera entre les gens ceux qui se sont aimés pour sa majesté, c'est-à-dire qu'il le glorifie avec sa glorification, sa vénération, sa grandeur et sa sacralisation. Ceci pousse les cœurs bons et radieux à l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et il les gratifiera le jour de la résurrection par le fait de les appeler devant toute la création en disant « Où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté ? Aujourd'hui je les couvre dans mon ombre, ce jour il n'y a pas d'autre ombre que la mienne. » Wa yaqulu rasuluhu الكريم صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذا أمر عظيم لا ندخل الجنة إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بتحاب إلا بالتحاب في الله تبارك وتعالى ثم يدلنا على السبب الذي يرسخ هذه المحبة في القلوب والنفوس وهو إفشاء السلام تفشيه لوجه الله تبارك وتعالى تواضعا لله تغلقا بالأخلاق الإسلامية رغبة فيما عند الله رغبة في تأليف القلوب وجذبها إلى الحق والخير وإلى صعيد المحبة في الله تبارك وتعالى. Et le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous n'aimerez pas, tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement, pardon. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous l'accomplissez, fera que vous aimiez mutuellement. Répandez le salam entre vous. Et ceci, nous dit le Shir, est une affaire immense. Nous ne rentrons pas au paradis excepté avec la foi. Et pas de foi sans qu'on s'aime mutuellement en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique la cause qui enracine cet amour dans les cœurs et les âmes. Et cette cause, c'est répandre le salam, en recherchant par cela le visage d'Allah, par humilité envers Allah, en se comportant avec le comportement islamique, en désirant ce qu'il y a auprès d'Allah, en désirant unir les cœurs, les amener vers la vérité, vers le bien et augmenter l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwa, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mes frères, à ne pas se saluer, à ne pas se passer le salam entre frères, entre salafiyin, alors que c'est une cause pour s'aimer mutuellement, et l'amour mutuel est une cause pour avoir l'iman, la foi, et la foi est une cause pour rentrer au paradis, Allahu Akbar. Pourquoi cette dureté entre nous? Pourquoi ce mauvais comportement? Donc le Shir nous dit: فينبغي أن يبذل هذه الأسباب أن يدرك أولا أنه لا طريق إلى الجنة إلا بالإيمان ولا إيمان كامل إلا بتحاب في الله. فإذا كان الإنسان يدعي الإيمان ولا يحب في الله ما قيمة هذا الإيمان وما قيمة هذا الشخص لا يحب في الله والعياذ بالله. نحب الأنبياء نحب الصالحين نحب الصحابة نحب المؤمنين جميعا نحبهم في الله تبارك وتعالى لأن الله أمر بحبهم أمر بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى أن نبذل الأسباب والأسباب كثيرة منها إفشاء السلام منها الأخلاق الطيبة ومنها الكرم ومن الأخلاق التي تحبب الناس إلى بعدهم بعضا. Il est donc impératif, mes frères et mes sœurs, de faire des efforts dans ces causes et qu'on comprenne premièrement que la seule voie pour le paradis, c'est la foi, l'iman. Et il n'y a pas de foi parfaite sans l'amour mutuel en Allah. Si la personne prétend avoir la foi et il n'aime pas en Allah, quelle est donc la valeur de cette foi? Quelle est donc la valeur de cette personne alors qu'il n'aime pas en Allah? Et le refuge est auprès d'Allah. Nous aimons les prophètes. Nous aimons les pieux. Nous aimons les compagnons. Nous aimons tous les croyants. Nous les aimons en Allah, subhanahu wa ta'ala, car Allah a ordonné de les aimer. Et les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à s'efforcer pour faire les causes. Et les causes sont nombreuses pour augmenter l'amour en Allah. Et parmi ces causes, passer le salam, le bon comportement, la générosité, le comportement qui permet aux gens de s'aimer les uns et les autres. وهذه الأسباب لم نقم بها لابد أن ندركها ولابد أن نتعاطاها يا إخوة حتى يتم التلاحم والتآخي فيما بين على الأقل الشباب السلفي فإنا نلمس أن الشيطان يدب ويبث سموم الفرقة والمحن والبغضاء وانصراف القلوب عن القيام بهذه الأمور العظيمة فتجد الإخوان هذا السلفي وهذا السلفي لكن لا تزاور ولكن لا تزاور ولا تآخي ولا تعاون لا شيء مع الأسف الشديد. Ces causes, malheureusement, nous les appliquons pas. Il est donc impératif qu'on les assimile et qu'on les accepte, ô mes frères, afin qu'on s'unisse, afin qu'on resserre les liens fraternels, au moins entre les jeunes salafis. On sent que Shaitan progresse et diffuse le poison de la diffusion, de la division, pardon. Il diffuse le poison de la division, le poison de l'adversité, de l'animosité et du fait de détourner les cœurs de ces choses extraordinaires. Et tu trouves des frères, un tel est salafi, un tel est salafi, mais ils ne se visitent pas, mais ils n'entretiennent pas les liens fraternels, mais ils ne s'entraident pas. « Wa antum sami'tum, aina al-mutahabun bijalali, idha tahababna fillah, surna kal jasad al-wahid. » إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائل الجسد. وفي حديث معاذ رضي الله عنه يقول المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أمر سهل ومنزلة عظيمة والطريق إليها سهل وهو أن تحب لله تبارك وتعالى فتنال بهذا المنازل العظيمة. Et vous avez entendu, et vous avez entendu le hadith. Où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? Si on s'aime en Allah, alors nous deviendrons comme un seul corps. Et si un membre souffre, tout le reste du corps souffre. Et dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il est mentionné, ceux qui s'aiment en ma majesté auront des minbars de lumière, auront des minbars de lumière que leur environ les prophètes et les martyrs. C'est une chose facile, nous dit le shir, qui a un rang extraordinaire et sa voie pour y arriver est facile. Wa min al-asbab allati taj'aluka mahbouban indallah tabaraka wa ta'ala أن تطيع هذا الرسول وتتبعه فالدعاوى كثيرة حتى عند النصارى واليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وأحباؤه لكن الأمور ليست بالدعوة الأمور بالحقائق بالعمل كن صادق كن صادق الاتباع لا شك أنه ساع في كسب محبة الله وهذا وعد من الله تبارك وتعالى والله لا يخلف الميعاد. Et parmi les causes, mes frères et mes sœurs, qui vous feront être aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et que tu le suives. Les allégations sont nombreuses jusqu'à que les juifs et les chrétiens dirent « Nous sommes les enfants d'Allah et nous sommes ses bien-aimés ». Cependant, les choses ne sont pas basées sur des allégations, mais les choses sont définies par la réalité, par les œuvres. Sois sincère dans le suivi. Et il n'y a pas de doute que ceci est une cause pour acquérir l'amour d'Allah. Ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne manque pas à sa promesse. « فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُحِبَّكَ اللَّهُ وَأَنْ وأن ينزلك المنازل العالية عنده في الدنيا والآخرة فعليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى مرضة الله وإلى الجنة ومنها كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Si tu veux qu'Allah t'aime et qu'il te place dans les hauts rangs auprès de lui, dans la dunya et dans l'akhira, tu dois alors suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des causes qui conduisent à l'agrément d'Allah et au paradis. Et parmi ceci, le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, où il mentionne qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah exalté soit-il a dit, un hadith Qudsi, mon amour s'impose pour deux personnes qui s'aiment en moi, qui restent ensemble pour moi, qui se rendent visite pour moi et qui s'entraident pour moi. Allahu Akbar. Wajabat mahabbatullah liman yaqum bihadhi al-umur kulliha fi dhati Allah azza wa jal. Ziyaratun fi Allah, mujalasatun fi Allah, ma yujalis jalis as-su' wa jalis as-su' ka nafiq al-kibr wa jalis al-khair ka hamil al-misk imma an yuhdhiyak وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة والمتزاورين والمتبادلين في ثلاثا يقوم بهذه الثلاث لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل هذه من موجبات محبة الله تبارك وتعالى فاحرص عليها وتحابوا في الله وتجالسوا في ذات الله وتزاوروا في ذات الله وتبادلوا في ذات الله تبارك وتعالى كسب عظيم وأمر عظيم هذا يسير على من يسره الله عليه إذا أراد الله بك خيرا سهل الله لك هذه الأمور كلها وكلها وإذا صعبت عليك فهذا دليل أن فيك خلل أو فيك نقصا يجب أن تتخلص منه حتى تنال محبة الله تبارك وتعالى. Et l'amour en Allah, mes frères et mes sœurs, s'impose pour celui qui applique ces choses. Toutes ces choses doivent être faites pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Une visite en Allah, une assise en Allah, et ne sois pas avec des mauvaises personnes qui sont semblables aux forgerons, mais plutôt avec des bonnes personnes semblables à celui qui porte du parfum. Soit il t'en donne, soit tu en achètes, ou soit tu profites de sa bonne odeur. Vous connaissez tous le hadith sur la bonne compagnie. Donc ceux qui appliquent ces trois choses en voulant uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie des moyens d'obtenir l'amour d'Allah. Faites donc vos efforts, mes frères et mes sœurs, dans celle-ci. Aimez-vous en Allah. Asseyez-vous ensemble pour Allah et visitez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Entraînez-vous tous ensemble en Allah azza wa jal. Ceci est une acquisition extraordinaire et c'est une chose extraordinaire. Ceci est facile pour ceux à qui Allah l'a rendu facile. Et si Allah veut pour toi un bien, alors il te facilite toutes ces choses. Et si ces choses te sont difficiles, alors cela indique qu'il y a en toi des failles, des diminutions, et il est obligatoire de s'en débarrasser afin de se voir accorder l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا أَحْبَبْتَ أَخَاكَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّكَ تُحِبُّهُ أَمْرٌ أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحببت شخصا في الله أخبره أنك تحبه في الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et si tu aimes ton frère, si tu aimes ton frère, informe-le que tu l'aimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela. Et si tu aimes une personne en Allah, alors informe-lui que tu l'aimes en Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit à Mu'adh ibn Jabal, Ya Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime vraiment beaucoup. Je jure par Allah que je t'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je te recommande, Ya Mu'adh, ne délaisse pas le fait de dire à la fin de chaque prière, Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. فَمِنَ السُنَّةِ أَنْ تُخْبِرَ أَخَاكَ أَنَّكَ تُحِبُّهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَفْ على التمسك بالكتاب والسنة وعلى التآخي والتعاون في ذات الله تبارك وتعالى وردت في النصوص كثيرة عليكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجدونهما مملوئين بذلك. et donc fait partie de la sunna, que tu informes ton frère que tu l'aimes en Allah, et l'encouragement à se cramponner au Coran et à la sunna, à consolider les liens fraternels, à s'entraider en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a été rapporté dans beaucoup de textes. Revenez donc, nous dit le shir, au Coran et à la sunna, vous les trouverez remplis de ces textes. Et avec ceci, le shir termine son allocution concernant l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et le cramponnement au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à la lumière de cette conférence, et afin d'appliquer les textes du Coran et de la sunna, j'aimerais à mon tour dire à mes frères du Merkez Furqan que je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que tous nos frères de Bruxelles que j'ai pu rencontrer lors de mes différentes visites, et ainsi que tous mes frères et mes sœurs salafiyin à travers le monde entier, ceux qui s'accrochent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande à Allah azza wa jal de faire de nous ceux qui se sont rencontrés pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont aimés pour lui et qui se sont quittés pour lui subhanahu wa ta'ala. Fa jazakumullahu khairan. Et avec ceci, on termine cette conférence. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos manquements et nos fautes. Wallahu al-musta'an. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.